lehet hinch chikla inch la inch Bienvenue à Fête Foraine, on vous remercie tous d'être venus très nombreux. Les tours sont gratuits, le windsurf, la queue du lapin et aussi les petits canards. Attention, c'est super, on est super chaud, on est heureux. Et en plus, aujourd'hui, c'est moitié prix pour les grands et les petits. Ouais. Big up, big up.